Les parents des 12 victimes de l'enlèvement collectif par les autorités sud-coréennes ont adressé le 28 novembre une lettre au haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et au président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En voici le résumé. Voilà déjà plus de 7 mois après le kidnappage de nos chères filles à Ningbo de la province de Zhejiang en Chine en avril dernier par les agents du centre de renseignement sud-coréen et le transfert en Corée du Sud. Après un mois, c'est la nouvelle année 2017 promettant à tout le monde l'espérance, l'espoir et le bonheur. Juste après la déclaration du crime anti-humain jamais vu, nous vous avions envoyé les lettres priant de vous efforcer de sorte que les autorités sud-coréennes criminelles renvoient tout de suite nos enfants chez leurs parents et demander une fois de plus le résultat. Mais c'est bien dommage qu'il n'y a rien à vérifier leur existence, même loin de leur rapatriement. L'enlèvement des 12 filles toutes innocentes, en plein jour au sol étranger, par les agents du centre de renseignement sud-coréen, est un crime anti-humain sans précédent qui dépasse le dictateur fasciste qui avait, dans les années 1970, emmené en Corée du Sud un nom politique de parti de l'opposition au cœur de Tokyo. Ces derniers jours, il est révélé que la gouvernante sud-coréenne a mis totalement en rupture les rapports intercoréens sous la baguette d'une superstitieuse qui a osé dire que notre république finira par s'écrouler en 2 ans et surtout au début d'octobre dernier, elle a incité ouvertement la désertion du Nord. Tout cela montre que cet enlèvement collectif aussi est d'un bout à l'autre un produit commun de la cible novice et de la gouvernante sud-coréenne et que donc elles sont complices. Le rôle de l'Office du Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est très important pour que nos enfants rentrent chez elles dans le giron de la patrie qu'ils les ont élevés. Nous sommes sûrs que l'Office du Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mettent en cause de façon durable ce crime anti-humain des autorités sud-coréennes conformément à leur mission et revendiquent aux autorités sud-coréennes leur renvoi inconditionnel et immédiat pour exaucer tant soit peu le vœu des victimes.